petit frère me dit, je suis pas de la même espèce. Moi, Ramsa, je vise pas le ciel, je vise plus haut, je vise l'espace. Encore un frère de plus qui remarque que pour ses frères y'a pas de place. Pour ton petit frère, Inch'Allah, que tu sautes une classe. Frères, restons tous fiers avec nos caractères forts. Trop de frères qui lâchent pas l'affaire, qui restent sur le terrain. Pour tout puissant, je suis ton frère, me trahis pas ou je te casse terrain. J'en place une pour tous nos frères en prison, brisons les blocages du passé, vivons dans le présent. Osons à tous nos frères de Palestine, d'Algérie qui souffrent jusqu'en Haïti. Trop de frères en GAV sont cuisinés à la sauce maïté. À tous les frères qui assument leur rôle de daron. Quant à ceux qui pèsent, qui tous payent, continuent à jouer les barons. Quant à ces faux frères qui te serrent dans les bras et qui t'appellent mon frère. Et dès que tu tends le dos, sont capables de baiser ta sœur. Je termine mon sauté pour tous les frères excités, en n'oublions pas de citer tous les frères qui sont fait sauter. Frère, même si t'as qu'un frère, aime-le. Du jour au lendemain, c'est possible tu le perdes. Ce morceau, je le casse des jeeps pour mon grand frère, l'Ermo. Pour toutes ces mères, on versait des larmes. À tous ces pères, qui ont vécu des drames. Pour tous nos frères, dit en campagne. À toutes nos sœurs, victimes d'être femmes. Pour toutes ces mères, qui ont versé des larmes. À tous ces pères, qui ont vécu des drames. Pour tous nos frères, partis en campagne. À toutes nos sœurs, victimes d'être femmes. Ils préfèrent te voir à poil que recouverte d'un voile. Que ta virginité s'en aille, que tu tapines pour de la maille. Fiche donneuse, lunettes Chanel, désir charnel. T'es la chamelle du désert, tes lèvres ont un goût de cannelle. Dans ton sac y'a tes sapes, tes parfums, tes malbacs. Tes strings, tu changes de fringue, de visage du flic. Ton frère en quête te traque, petite sœur tu pleures. Détentrice de l'honneur, fais fleurir le bonheur. Dans les seins familiales, la rumeur, tu les sourires. Mariage au bled, pour toi c'est dead. Tu aimes un homme et pas un autre, tu n'es qu'aide. Tu fais l'effort dans le jean, entrée publique, effort, prochaine victime, deal. Frère à l'hôpital, père jean, fatigué de la comatec, free. Tu t'oublies en discothèque, jean, diesel, whisky sec, jean. Tu colmates ton film, est une blessure sans pommade. Ton entourage te formate, depuis la première flaque rouge de la honte, c'est la tornade. Tu es si belle sans maquillage, une perle dans un champ de coquillages. On a découpé ton cœur comme un grillage. C'est pour les rushs de taux de traces, victime des côtes traces. Les queues sous les taux de traces, dans les paillettes ou les strass. Dans les cayennes ou les caches, que l'on moyenne à l'étage, qui s'engage à tourner la page. Pour toutes ces mères qui ont versé des larmes. À tous ces pères qui ont vécu des drames. Pour tous nos frères partis en campagne. À toutes nos sœurs victimes d'être femmes. Pour toutes ces mères qui ont versé des larmes. À tous ces pères qui ont vécu des drames. Pour tous nos frères partis en campagne. À toutes nos sœurs victimes d'être femmes. Ce son c'est aussi pour les papas, élevés au bâton. Prisonniers du système ou surveillés par le maton. Je suis le premier des 1K à voir grandir mon garçon. Mais aussi une fille, donc je sais c'est quoi être daron. Crois-moi c'est dur, ouais. Mais en même temps c'est beau. Souvent faut serrer la ceinture, vite trouver du boulot. Les nourrir sans argent sale, même au bout du rouleau. C'est pour tous ceux qu'on recale, la descente du bateau. Le fusil avant la canne, prouvons-leur avant qu'ils calment. Entre manque d'argent et drame, avant qu'ils pleurent tu ricanes. Voici un père et ses gosses, crimant dans ce monde atroce. Comme si la guerre n'était pas finie, les fils manient le cross. Pendant que tu joues le boss, eux il faut qu'ils bossent. N'oublie pas qui t'a élevé, n'oublie pas ta première bosse. Qui te faisait des premiers pouces, qui t'a offert ton premier cross. Maintenant tu portes du boss, et t'as changé le sens du mot cross. Dans leurs mains une ligne de vie, qu'on a trop souvent cassé. C'est vrai que pour nous c'est dur, c'était pire par le passé. Alors n'oublie jamais, jamais, la vie c'est pas un jeu, ouais. Elle peut être longue ou s'éteindre à petit feu. Pour toutes ces mères qui ont versé des larmes. À tous ces pères qui ont vécu des drames. Pour tous nos frères partis en campagne. À toutes nos sœurs victimes d'être femmes. Pour toutes ces mères qui ont versé des larmes. À tous ces pères qui ont vécu des drames. Pour tous nos frères partis en campagne. À toutes nos sœurs victimes d'être femmes. C'est pour nos mères le nerf de guerre de nos futures carrières. Fières mais celles qui ont le plus souffert. Toujours là demain, aujourd'hui ou hier. Celles qui ont quitté leurs racines pour voir réussir leurs mômes. Au lieu de ça nos mamans savent qu'elles peuvent voir l'insigne au pied du lit à tout moment. Malgré les soucis toujours debout on ne sait comment. Elles dorment pas quand tu rentres tard. Couvrées vis-à-vis du tard à l'ancienne quand t'étais chez les ch'tards. Fais semblant de rien voir quand t'es pété. Rentre au bercail dès l'été. Tiens la maison propre, les finances, obtiens le respect. Pour les enfants tu es prête à y rester. La colonne de la famille, ma mère c'est ma colombe. Faut que je lui offre le meilleur nid pour qu'elle ait une meilleure mine. Grâce à elle maintenant j'achète mes meilleures lignes. Pour elle on est tous des agneaux. Fille ou fils c'est kiff kiff, c'est la mif qui prime. Jamais maman ne déprime, pardonne les fautes et les crimes. Déverrouille le cadenas quand les papas nous priment. Pour nos mères, nos lumières dans la pénombre. Quand elles sourient, de ça on se nourrit. De ça on se nourrit. Pour toutes ces mères qui ont versé des larmes. À tous ces pères qui ont vécu des drames. Pour tous nos frères partis en campagne. À toutes nos sœurs victimes d'être femmes. Pour toutes ces mères qui ont versé des larmes. À tous ces pères qui ont vécu des drames. Pour tous nos frères partis en campagne. À toutes nos sœurs victimes d'être femmes.